Maria, Maria, Maria, Maria. Ah, oh Maria, Maria, j'aime comment tu danses, Maria. Oh Maria, oh Maria, Maria, j'aime comment tu danses, Maria. Oh Maria. On s'est dit déjà vu, lui parler j'aurais dû, oh. Mais qui fera le premier pas, oh. Notre cœur t'es prendre la place. Mes gars me disent d'y aller, ses copines veulent s'en aller, oh. Pendant qu'elle la rejette, oh. Elle aimerait que je vienne. J'étais qu'une femme dans mon viseur, oh. Elle n'a qu'un seul homme dans son viseur, oh. De la tête aux pieds on s'analyse, oh. Suivons l'histoire que dit le livre, oui baby. D'abord un jeu de regard, okay. Puis quelques mots, okay. Suis-moi en ses cas, okay. Elle me dit mollo, uh-huh. Bien on prend notre temps, okay. Je propose une danse, okay. Peut-être intense, okay. Qu'est-ce que t'en penses, okay. Oh my.